Chapitre 56. Les matelots de la flotte persane. La légende de Hard et Bill. La lagune d'Enzeli. La navigation russe. Le Géroslav. Réception à La Marate. Il y avait déjà 20 jours que j'étais à bord du Shah Incha, attendant le bateau qui devait me délivrer. Outre l'ennui de ma solitude, je devais supporter les caprices de la femme du mécanicien qui, enrichie par la pension que je lui payais, s'adonnait de plus en plus à sa passion pour le vodka et à un tel degré qu'elle m'effrayait souvent. Le bruit que faisaient une 20aine d'hommes travaillant en réparation du navire contribuait encore au désagrément que j'étais obligée de subir. Je m'étonnais de leur zèle et de leur activité, car, en dépit d'un surcroît de besogne, ils n'avaient, depuis 6 mois, reçu ni salaire, ni même les vêtements alloués par l'État. Pour vivre, ils étaient réduits à s'endetter journellement au bazar. L'amiral de la flotte persane touchait 5 000 crans par an. Note. Daria Behrer, chef sur l'eau. Fin de note. Poursuivi par le gouvernement pour avoir oublié de payer les équipages et de leur remettre l'habillement réglementaire, il s'était réfugié à Recht. Mis en rapport avec ces gens, par la force des circonstances, j'appris à connaître en détail leur genre de vie. J'étudiai leur caractère en causant avec eux, qui parlaient un peu le russe, notamment avec le contremaître Mirza. Il tenait le journal du bord et remplissait aussi l'office de compteur. Ses chansons et ses contes groupaient ses camarades autour de lui, au milieu du jour, pendant la sieste et le soir, lorsque la besogne était finie. Un persan à Téhéran, voulant me vanter le talent d'un chanteur, m'avait raconté qu'un jour, des chameaux arrivés devant une source pour se désaltérer, entendirent la voix mélodieuse de celui-ci et s'arrêtèrent pour l'écouter. Leur plaisir fut si vif qu'ils oublièrent de s'abreuver. Le contremaître du Shah Incha me rappelait le charmeur de chameaux. Souvent, ses compagnons oubliaient le pilaf et le chai pour ne rien perdre de ses chansons. Comme conteur, il captivait également son auditoire. Il avait la parole vive, les expressions imagées, un jeu de physionomie expressif, et bien que ces histoires fussent connues de tous les hommes de l'équipage, il les écoutait toujours avec un nouveau plaisir. Avant de commencer son récit, le contremaître m'en expliquait le sujet et sa mimique achevait de me le faire comprendre. Voici une des légendes des rives de la mer Caspienne qu'il raconta. Le grand roi Salomon, aidé de 2 dives, Hard et Bill, se plut un jour à fendre le flanc d'une montagne d'où coula l'eau qui couvrit une partie des plaines de l'Iran. Note. Salomon joue un grand rôle dans les contes orientaux. Fin de note. Ces eaux formèrent une portion de la mer Caspienne. En souvenir de ce fait, les 2 dives fondèrent une ville à laquelle ils donnèrent leur nom. De là le mot Ardébil. Note. Il existe une ville de ce nom, chef-lieu de la province d'Azerbaïdjan. C'est la cité moderne située au sud, dans la plaine de Ral-Ral. Elle renferme la prison d'État dans laquelle plusieurs princes de la famille des Qadjars expièrent leur ambition de vouloir monter sur le trône. Les ruines de l'antique Ardébil, dont parle la légende, explique par leur position la tradition qu'on y a rattachée. Elle était située sur les hauteurs de l'Aguélar, partie de la chaîne de l'Elbrouz, à proximité de la source Batam-Roulak, sur un plateau regardant la mer. C'est donc une de ces montagnes qui aurait été fendue par les génies du conte. Fin de note. Les hommes de l'équipage, parmi lesquels se trouvaient quelques noirs, assis en silence, ressemblaient à des enfants qu'on amuse par des contes, tant ils buvaient des yeux les paroles du narrateur. lorsqu'un matelot, cédant à la fatigue, s'endormait, son voisin le réveillait, et le dormeur paraissait enchanté d'être tiré de son sommeil. Une entente cordiale régnait entre ces hommes. Durant mon séjour à bord, je n'entendis pas la moindre querelle. Chacun faisait tranquillement la besogne qui lui était assignée. Les Européens qui emploient des persans se plaignent de leur paresse et sont forcés, disent-ils, de les frapper pour s'en faire respecter. Ce que je vis tous les jours me prouva le contraire. Ils obéissaient aveuglément et sans le moindre murmure à la femme du mécanicien qui, en l'absence de son mari, les menait à la baguette. L'isolement est une souffrance pour le cœur expansif qui vit surtout de l'échange, des impressions et des sentiments. Lorsqu'on a le travail pour compagnon, l'esprit y trouve une compensation. Livré à mes seules ressources, l'occupation était mon unique distraction dans ma solitude. Avant mes voyages, mes connaissances se bornaient à celles des femmes du monde qui sortent rarement de leur cercle habituel. Depuis, initiée à une vie nouvelle, voyant les choses de près, tout excitait mon intérêt. Bien qu'isolée, chaque journée passée sur la lagune m'apportait de nouveaux sujets d'étude. Souvent, pour faire diversion à cette vie monotone du bord, j'allais en canot sur le lac ou en mer, trouvant toujours un spectacle différent. Tantôt le soleil, rouge d'or et tout en feu, promettait en se couchant un beau lendemain. Tantôt, après une journée de chaleur torride, les nuages précurseurs d'un orage flottaient suspendus au-dessus de l'eau comme de grands oiseaux noirs, effleurant les vagues, prêtes à s'irriter au moindre souffle du vent. Par le beau temps, je voyais glisser, voiles déployées, les rigines amenant des passagers de reste. Pendant la pluie, ces barques étaient plus rares, les persans ne naviguant que lorsque le ciel est clair. D'autres fois, assise sur le pont, je ne me lassais pas d'admirer le magnifique spectacle du coucher du soleil dorant les eaux du lac, tandis que la lune, en se levant, paraissait couvrir la lagune d'une gaze argentée. Lorsque la nuit était belle, les étoiles scintillaient sur ce miroir transparent où les coquettes semblaient se virer, fières de s'y voir aussi brillantes que dans la voûte azurée. Parfois, quand le ciel était sombre, le disque de la lune se montrait par intervalles à travers les brouillards qui voilaient les montagnes. Ce rayon lumineux me semblait le sourire d'un ami venant soulager mon cœur attristé. Rien ne troublait le silence de ces nuits solennelles, si ce n'est les cris des chacals, pareils à des sanglots d'enfants ou à des lamentations. Enfin, le bateau à vapeur que j'attendais avec une si grande impatience jeta l'ancre dans le port d'Enzeli. C'était le Yaroslav. Note. Outre les bateaux à vapeur qui font le service régulier, il y en a d'autres appartenant à des particuliers et portant le pavillon russe qui, comme on le sait, a le monopole de la navigation sur la mer Caspienne. Depuis la conquête par Pierre le Grand des trois provinces d'Astérabad, du Mazandéran et du Rilan, bordant la mer Caspienne, la Russie chercha à dominer sur cette mer et à en faire un lac moscovite. Ces provinces qui furent rendues à la Perse sous le règne de Nadir Shah par le traité de Recht conclu en 1735 n'ont cessé depuis d'en faire partie. D'après un autre traité de paix du 21 février 1828 entre la Russie et la Perse, connu sous le nom de Turco-Manchaï, conclu pendant le règne de Feth Ali Shah, il fut permis aux bâtiments marchands russes de naviguer sur la mer Caspienne et d'aborder aux côtes de la Perse. Ce privilège fut continué aux navires de guerre qui avaient le droit exclusif de mouiller dans ces eaux. Le yacht de plaisance du Shah n'a le droit d'aller que jusqu'à 25 verstes de la barre entre la lagune d'Enzeli et la mer. J'avais été si longtemps dans cette attente qu'elle était devenue mon unique préoccupation. Mais ma joie ne fut, hélas, que de courte durée. Un caprice du hasard empêcha mon départ. sachant que, vu le manque de navires touchant à Enzeli, il y avait affluence de passagers. Je voulus immédiatement arrêter ma place dans l'unique cabine du bateau. On me la refusa. Elle était retenue par un haut fonctionnaire attendu de Téhéran, allant à la rencontre du chat en Europe. Comme ce personnage ne pouvait arriver que dans une semaine, il avait versé au capitaine une indemnité de 500 francs pour ce retard. Malgré leurs réclamations et leurs intérêts lésés, les nombreux passagers et les négociants dont les marchandises se trouvaient à bord furent obligés d'attendre. J'étais donc menacée de rester, durant toute la traversée, sur le pont du navire qui, en Asie, offre toujours un curieux mélange. Le Yaroslav présentait, au moment de mon embarquement, un coup d'œil tout à fait particulier. Il était bondé de balles de coton sur lesquelles on avait entassé pêle-mêle des caisses, des caissons de tout genre et un nombre infini de colis. Au-dessus étaient juchés une centaine de passagers, chacun avec un attirail de voyage aussi complet et aussi encombrant que s'il fût parti en caravane. En arrivant à bord, je ne sus où poser le pied. Je parvins néanmoins, mais non sans peine, à placer mes paquets. Quoique fort habitué à voyager en Orient et à manquer de tout confort, la situation ne me sourit guère. Loin de mépriser les moujiks employés aux pêcheries d'Enzeli, les Arméniens ou les Persans de basse condition, je n'avais pas encore perdu pourtant tous les préjugés de délicatesse et je ne pouvais me défendre d'un certain sentiment de répugnance à l'idée seule de passer la nuit couché sur un ballot au milieu de ces gens qui ne brillaient précisément pas par une propreté irréprochable. Je suppliai le capitaine pour qu'il me permît d'entrer dans la cabine. Mes prières attendrirent le vieux marin, un tatar qui, avec beaucoup de bonhomie, m'en laissa prendre possession. Ainsi installé, je pus voir les trois tableaux que j'avais devant moi. Le Yaroslav avec son chargement humain toujours en mouvement, le lac et la rive sur laquelle on faisait des préparatifs pour la réception de notre futur compagnon de voyage qui devait bientôt arriver. La Perse est le pays des cérémonies par excellence. On sait déjà que l'Esterbal est de rigueur pour la réception de tout personnage. Note. Esterbal, aller au-devant de quelqu'un, dérive du mot arabe Kabbalah, il a avancé. Fin de note. Celui que l'on attendait étant receveur général des impôts, charge qui confère le pouvoir de faire donner la bastonnade aux récalcitrants et portant le titre de la richesse du pays, il y avait droit. Il était accompagné du gouverneur du Rilan, du Talish, et d'une escorte nombreuse. Des embarcations royales allèrent à leur rencontre. Si l'exactitude et la politesse des rois, elle n'était assurément pas celle de ce fonctionnaire persan. Plusieurs jours s'étaient déjà écoulés depuis l'annonce de son arrivée, et il n'avait pas encore paru. Finalement, un messager signala sa venue. Les représentants de l'autorité d'Enzeli s'étaient préparés pour l'Esterbal. Chacun avait revêtu ses plus beaux habits de fête, teint ses cheveux, sa barbe, ses mains et ses pieds. Les uns portaient des babouches, les autres allaient nu-pieds. La rive était très animée. Des caraoules s'y tenaient, les uns le sabre au poing, les autres portant des trompettes qu'ils oublièrent de faire sonner malgré l'ordre du programme. Au milieu d'eux circulait le monde officiel, allant et venant d'un air affairé. Sur le lac, voguaient de petites barques remplies de curieux, désireux de voir de près les canaux du chat. Pendant ce temps-là, le pont du navire offrait une animation toute particulière. C'était l'heure du thé. La fumée qui s'échappait d'une multitude de samovars appartenant aux passagers produisait une vapeur presque aussi épaisse que celle de la machine chauffée au naft. Ces cheminées en miniature donnaient une variété de plus au tableau. Les embarcations abordèrent enfin et les personnages si impatiemment attendus mirent pied à terre. Du débarcadère au Yaroslav, il y avait une centaine de mètres. La procession de l'Esterbal s'avança dans l'ordre suivant. En tête marchaient une douzaine de marins du chat portant une rame sur l'épaule. Ils étaient vêtus de tuniques rouges, de pantalons blancs et coiffés d'un bonnet en drap rouge bordé de noir et au chiffre de Nasser Eddin brodé de la même couleur. Derrière eux suivaient des ferrachs formant une double haie autour du receveur général, des gouverneurs et de leur suite. Puis venaient les autorités de la ville, escortées d'une foule de curieux. Après avoir escaladé balles, colis, caisses et caissons, les nouveaux arrivants parvinrent enfin sur le tillac où je me trouvais. Plusieurs d'entre eux me saluèrent amicalement, entre autres les gouverneurs du Rilan et du Talish, auxquels j'avais été recommandé par le grand vizir et que j'avais connu à Recht. Ils me présentèrent à la richesse du pays. Le gouverneur du Talish, qui parlait un peu français, nous servit d'interprète. Quelques instants après, une conversation animée s'engagea entre le receveur général et le capitaine du Yaroslav. À un moment donné, les personnages quittant le bord vinrent me serrer la main. En les voyant se diriger vers le palais, je crus que la collation de rigueur de l'Esterbal appelait les dignitaires à l'amarate et qu'ils allaient revenir. J'étais dans l'erreur. J'appris que son Excellence, craignant de passer la nuit en mer, avait demandé au capitaine d'ajourner son départ jusqu'au lendemain matin. Celui-ci, ayant déjà reçu de vifs reproches des passagers et des marchands pour le retard subi, avait refusé. La richesse du pays, alors, avait quitté le bateau, renonçant à partir. Tout le monde était satisfait de cette décision. Le capitaine, parce qu'il gardait l'indemnité, les voyageurs, leur liberté, et moi, la cabine. Le cortège de l'Esterbal venait à peine de disparaître et l'on faisait déjà les manœuvres pour le départ lorsque je vis revenir plusieurs personnes de la suite. Une d'elles me remit un billet écrit en italien, tandis qu'une autre me prévenait en français que la richesse du pays m'invitait à retarder mon départ jusqu'au lendemain et à voyager avec son Excellence, ajoutant qu'il y avait danger à m'embarquer sur un vapeur si chargé et aussi peu solide. Note. Parmi les gens de la suite, il y avait quelqu'un qui connaissait l'italien. Fin de note. Note. Le Yaroslav construit pour la navigation du Volga n'a pas la solidité voulue pour aller sur mer, surtout lorsqu'il est trop chargé. Il avait déjà subi plusieurs avaries et des accidents sérieux dans différentes traversées. Il se faisait un tel bruit autour de moi que, ne pouvant entendre la voix de mon interlocuteur, je lus ce que j'avais imparfaitement compris. En levant les yeux pour répondre que je ne craignais rien et que j'allais partir, je vis que l'on débarquait mes bagages. D'un bond, je fus sur la rive, derrière les portefaix, voulant faire rembarquer mes effets. Mais au moment même où je mis pied à terre, l'échelle fut enlevée et le Yaroslav s'éloigna. J'étais atterré. Jamais je ne regrettais autant mon ignorance de la langue du pays qu'en ce moment, car l'énergie de mes paroles m'aurait plus efficacement servi que mes gestes désespérés. Lorsque j'arrivai à la marate, j'y vis mes mâles. Furieuse, je ne pus m'empêcher d'exprimer à leurs excellences mon mécontentement pour cet excès de bienveillance. Croyant me calmer, le receveur général me fit dire par l'interprète que, n'ayant jamais voyagé sur mer, il avait eu peur de l'eau. Et comme il s'était décidé à aller par terre à l'Incoran, il m'engageait à l'accompagner. Fort peu désireuse d'effectuer un pareil voyage par les chaleurs tropicales de juin, je refusais net cet honneur. On m'avait attendu pour prendre part à la collation. Les deux gouverneurs s'accroupirent en face l'un de l'autre, entourés d'une vingtaine de personnes. un fauteuil était préparé pour moi au fond de la salle. Note, le côté situé en face de l'entrée de l'appartement est la place d'honneur. Suivant celle qui est offerte aux visiteurs, on lui témoigne plus ou moins de déférence. Fin de note. Faisant contre mauvaise fortune bon cœur, bon gré, mal gré, j'y pris place. En signe de déférence, des rafraîchissements me furent présentés par l'amphitryon de l'Esterbal, le gouverneur d'Uriland. La richesse du pays manifesta de nouveau son regret de voir que je n'appréciais pas le soin qu'on avait pris de ma sécurité. Son Excellence fit néanmoins des reproches à son messager qui avait déployé trop de zèle en débarquant mes bagages contre mon gré. Celui-ci s'excusa tant bien que mal, alléguant que le Yaroslav allait lever l'ancre et qu'il n'y avait pas un moment à perdre. Ainsi, je vis reculer l'heure de mon départ, vers lequel tendaient toutes mes pensées depuis mon arrivée à Enzeli, qui remontait à un mois. Pour les Persans, mauvais marins, mais excellents cavaliers, les voyages à cheval, sous l'ardeur du soleil et par les plus mauvais chemins, ne les effraient nullement. Il s'étonnait donc que pour éviter les fatigues, je préférasse attendre un prochain vapeur. Le gouverneur d'Uriland, en voyant mon désappointement, offrit de me ramener à Recht ou de me faire préparer un appartement au palais. Je refusai et, le cœur gros, je retournai dans ma solitude, la cabine du Shah-in-Shah que j'avais cru ne jamais plus revoir. Parfois, dans des circonstances difficiles, si une idée subite traverse l'esprit, on s'y attache avec ténacité comme étant la seule voie de salut. Hélas, dans la perplexité où je me trouvais, rien de semblable ne s'offrit à ma pensée. Je ne pus que me convaincre de la vérité de l'adage du pays. On ne quitte pas la Perse quand on veut. Fin du chapitre 56.